cette parole que j'attendais sans te connaître, que j'accrochais à ma fenêtre, qui traînait pas dans les affaires des gens qui me faisaient la guerre. Cette parole qui met dans mon vocabulaire de quoi t'apprendre les manières. Cette parole